grâce, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Pourquoi restes-tu triste? Ça fait plus de 2 jours où tu te poses des questions. Qui va me venir en aide? Où tu te sens toujours trahi par les membres de ta famille, par des amis intimes? Pourquoi te sens-tu triste? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui peut intervenir pour ta vie, pour ta situation. C'est Jésus de Nazareth. Réveille-toi, espère en lui. La Bible déclare que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il faut prier et non te plaindre. Et non te lamenter, réveille ton mari, réveille ta voisine, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Marc chapitre 1, 40 à 45. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons donc Marc chapitre 1, 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans le désert et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est que nous devons apprendre à nous tourner vers Jésus lorsque nous avons un problème, lorsque nous nous sentons marginalisés, lorsque nous sentons rejetés par la société, comme ce fut le cas du lépreux. Écoutez-moi bien, la lèpre, c'est une maladie contagieuse. Déjà à cette époque-là, lorsque quelqu'un était lépreux, on le mettait en quarantaine. Il fallait qu'il passe par plusieurs cérémonies pour être purifié. Même aujourd'hui, nous avons encore des maladies où les gens sont stigmatisés. Peut-être que toi qui entends, tu m'entends, tu souffres peut-être du sida, tu souffres peut-être d'une maladie qui est contagieuse, tu souffres peut-être de la tuberculose. On t'a dit, il ne faut plus manger avec les autres. Et tu te sens délaissé, tu te sens abandonné, tu te poses des questions, tu as même envie parfois de te suicider. Non, reprends courage. C'est le preux là. Il était abandonné par la société. Il n'avait pas d'espoir. Mais il avait repris espoir quand il a entendu parler de Jésus. La Bible nous dit que cet homme, il est venu se jeter à genoux en suppliant Jésus. C'est ça l'exemple. Toi qui m'entends, quel est ton problème qui te dépasse? Supplie Jésus. Il y a quelqu'un qui peut te venir en aide. Peut-être qu'on t'a dit qu'il faut voir un médecin et tu n'as même pas de moyens pour te faire soigner. Mais là où tu es, au moins dans ta chambre, tu peux te mettre à genoux. Jésus est là. Il peut intervenir. Il n'y a pas un problème qui le dépasse. Le problème qui dépasse les hommes de ce monde ne peut pas dépasser Jésus. Voyez, on dit au verset 40, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Ça, c'est d'humilité. Tu te jettes à genoux devant le roi des rois. Je vais parler à quelqu'un qui m'entend. Jette-toi à genoux, humilie-toi. Reconnais qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, qui peut résoudre ton problème. Il se jette à genoux, lui dit d'un ton suppliant. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la prière de supplication. C'est-à-dire que tu supplies le Seigneur. Tu veux qu'il intervienne dans ta vie. Je vais parler à quelqu'un. Quel est le problème pour lequel tu te sens attristé, abattu? Mets-toi à genoux devant, supplie-le. il est capable d'intervenir. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous voyez, il y a deux verbes ici. Le verbe vouloir et le verbe pouvoir. Ces deux verbes sont en relation étroite. C'est dans la mesure où je connais la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour moi, je sais qu'il a aussi le pouvoir de le faire. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va dire, je le veux. Lorsque nous prions, quand tu pries là, tu dois toi-même savoir la volonté de Dieu. Par exemple, quand tu souffres d'une maladie, la Bible nous dit qu'à la croix de Golgotha, Jésus a porté toutes tes maladies. Et c'est par ses maîtrises que tu es guéri. Donc, c'est sa volonté de te guérir. Et tu dois t'approcher avec assurance. Si par exemple, tu es toujours écrasé, humilié, Jésus est là pour te relever. La Bible nous dit, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Vous voyez? Nous devons donc connaître sa parole, sa volonté. Si tu le veux, tu peux. Quand quelque chose est conforme à la volonté de Dieu, il manifeste sa puissance. Il manifeste sa puissance. C'est pourquoi Jésus a dit, je veux, je le veux, sois pur. Il a guéri ses lépreux. Quelqu'un qui était abandonné. Quelle grâce! Deuxième leçon, nous devons respecter certaines règles de la société dans laquelle nous vivons. Un chrétien n'est pas comme un homme qui est extravagant, c'est-à-dire qui ne respecte aucune règle, aucune loi. Non, nous devons être réalistes. Parfois, par exemple, lorsque nous souffrons d'une maladie, le Seigneur peut nous guérir de manière miraculeuse, instantanée. Mais il n'est pas mal, par exemple, d'aller faire des examens pour attester votre guérison. Il ne faut pas dire, bon, j'en ai plus besoin. C'est toujours normal, c'est toujours bien de le faire. C'est à peu près dans ce sens que Jésus pouvait dire à cet homme qui était guéri, il dit, va te montrer au sacrificateur. Il dit au verset 44, et il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Donc il y a des choses que nous devons faire pour témoigner aux autres que réellement l'un nous a touchés. Je vais parler à un couple. Le Seigneur t'a touché. Parce que la médecine moderne a déclaré que ta femme ne peut plus enfanter. Mais la puissance de Dieu a agi dans ta vie. Et depuis quelques semaines, ta femme est en retard. Va voir le gynécologue pour attester, pour qu'on puisse faire les examens, pour attester effectivement qu'elle est enceinte. Ce sera un témoignage pour démontrer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, pour qu'il sache qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Troisième vérité concerne le caractère de Jésus. Nous voyons deux traits de caractère de Jésus ici, la compassion et la discrétion. Jésus est compatissant. Ce n'est pas facile de s'approcher d'une personne qui souffre de la lèpre et de le toucher, vous voyez? Oui, mais Jésus était un homme ému de compassion. Il s'approchait même des personnes marginalisées parce qu'il était ému de compassion. Vous voyez ici, lorsque nous lisons ce passage, il est dit au verset 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main. Mon ami, il y a des gens peut-être que nous n'arrivons même pas à toucher, à nous approcher d'eux, à manger avec eux. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je parlais à quelqu'un, peut-être que tu souffres d'une maladie, où tu as des gales partout, où tu as des boutons noirs. À telle enseigne qu'il y a même des gens à peine qui veulent te saluer. Mais j'aimerais te dire, là où tu es, étends tes mains pour dire, Jésus, je sais que les gens ne peuvent pas me toucher, mais toi tu es capable de me toucher. Et je déclare que maintenant même, Jésus te touche et sa puissance descend sur toi. Il y a le feu du Saint-Esprit qui descend sur toi. Jésus te touche maintenant, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, il te touche et tu reçois la guérison, tu reçois sa visitation dans le nom de Jésus-Christ. Tu reçois sa visitation au nom de Jésus. Il te touche maintenant. Il te dit, sois guéri, reçois la guérison. Le deuxième trait de caractère, c'est que Jésus est discret. Cette discrétion démontre son humilité. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait la publicité, qu'on parle de lui partout. C'est pourquoi il recommande à ce lépreux de ne pas dire à quelqu'un, de ne pas faire sa publicité. Malheureusement, cet homme a fait le contraire. Aujourd'hui, nous voulons souvent qu'on parle de nous. Nous faisons notre propre publicité. Et surtout, nous les hommes de Dieu, par des grands titres que nous attribuons. Moi, le grand prophète, grand pasteur, l'homme le plus puissant, l'homme le plus loin. Il faut qu'ils sachent que moi, j'ai des dons de guérison. J'ai des dons d'opérer des miracles. J'ai des dons de prophétie. Moi, je peux te dire, fais du mal. Je peux dire le nom de ton père, de ton grand-père. Allez dire que c'est un prophète qu'on n'a jamais vu, qui est venu ici. Bon, toutes ces expressions montrent que nous voulons plus qu'on puisse nous connaître, nous, au lieu de connaître Jésus. Nous voyons Jésus. Il dit, il ne faut pas le dire. Je n'ai pas besoin de publicité. Suivons donc cet exemple de Jésus-Christ. Il était un homme humble. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions lui dire merci pour ses paroles qui nous aident, pour sa grandeur, pour sa puissance qui ne cesse de manifester au jour le jour. La Bible nous dit que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chantons ces cantiques pour sa gloire. Papa, Alléluia. Oh, c'est merveilleux de connaître Jésus. Je voudrais que là où tu es, tu commences à dire quelques paroles pour bénir son nom. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci que tu crois qu'il est le Tout-Puissant. Il est capable d'agir ta vie parce qu'il est Dieu véritable. Il est vivant. Élève ta voix. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Merci Seigneur, toi le Dieu qui nous sanctifie. Oh, sois béni Seigneur pour ton sang qui a coulé sur la croix. Merci. Toi qui nous laves jour après jour, que l'honneur te revienne, notre Dieu, notre Seigneur. Toi qui nous sanctifies, nous bénissons ton nom, ô notre Dieu. Toi qui as fait de nos corps des temples du Saint-Esprit. Merci toi qui veux te glorifier à travers tout notre être, jour après jour. Oui, tu veux te glorifier à travers notre corps, notre âme et notre esprit. Oh, c'est pourquoi nous bénissons ton nom en ce moment et nous nous confions entièrement à toi afin que tout notre être t'élève et te glorifie à chaque instant. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, notre Père, toi qui veux que nous puissions faire tout pour ta gloire. Merci Seigneur de nous utiliser jour après jour par le Saint-Esprit de vie. Merci de nous remplir du Saint-Esprit afin que moment après moment, nous puissions te glorifier à travers nos vies. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB. Opération sur la brèche. Nous avons besoin de votre témoignage si cette émission vous a fait du bien. Mais parlez-en aussi à d'autres amis partout dans le monde parce qu'ils peuvent suivre cette émission et prier avec nous à travers notre site web www.radiofréquencevieenunmot.com. Je reprends www.radiofréquencevieenminuscule.com. Notre texte du jour, c'est Marc 1, 40 à 45. Nous venons de voir que nous devons nous supplier, nous devons nous prosterner, nous devons nous tourner vers Christ lorsque nous avons un problème. Tel fut le cas de ce lépreux qui était marginalisé, qui n'avait plus d'espoir, mais il est venu dire à Jésus de le guérir. Si tu veux, tu peux. Et Jésus l'a guéri. Quel est ton problème aujourd'hui? Quelle est la situation pour laquelle tu te sens désespéré, tu te sens dépassé? Tu peux venir à Jésus pour dire, Seigneur, si c'est ta volonté, je sais que tu es capable de débloquer cette situation. Seigneur, agis maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Amen. Nous devons respecter également certaines règles de la société pour témoigner, pour attester que le Seigneur est vivant, le Seigneur agit. Tu vas prier le Seigneur afin que ton témoignage de délivrance, ton témoignage de guérison, même au niveau de ta famille où on disait que toi tu ne peux pas te marier, on disait que tu ne peux pas travailler, pour que le Seigneur te donne ce courage d'aller rendre témoignage, afin que tous, y compris ton médecin, qui disait que tu ne peux plus vivre longtemps, qu'il puisse attester, même par les examens qu'il va faire, qu'il y a un Dieu qui est grand. Et s'il ne connaît pas le Seigneur, qu'il se tourne vers lui. Prions le Seigneur. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens. je prie avec OSB. Je mettais à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSB. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. À toi la gloire, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, le chemin qui mène à Dieu, soit béni ce matin, parce que chacun de nous avons des témoignages, à quelque niveau que ce soit, au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau de nos enfants, au niveau de nos foyers, dans chaque domaine de notre vie. Nous avons des témoignages à rendre. Même se réveiller est un témoignage. Parce qu'il y a d'autres qui restent dans le sommeil. Et nous sommes en bonne santé. Amen. Seigneur, l'ennemi se lève. Parce que son rôle, c'est de nous détruire, de nous égorger, de nous tuer, de nous enlever la vie, de s'opposer à notre élévation. Mais tu as chaque fois remporté la victoire. Gloire à toi. Parce que ce frère, la médecine lui avait déclaré qu'il ne devait pas avoir d'enfant. Et tu t'es levé, tu t'es glorifié. C'était dit qu'on devait le renvoyer. Il t'a plu de le maintenir dans son travail. Oh Seigneur, il ne pouvait pas également se marier. Et tu t'es levé, tu as brisé la barrière. Le frère s'est marié. Nous avons des témoignages à rendre que tu nous permets de le rendre pour te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance. Sois béni, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus était un homme compatissant, un homme qui était discret et humble. Prions pour que ce trait de caractère aussi nous caractérise, pour que nous aussi nous puissions manifester de la compassion envers des personnes marginalisées, envers des amis, des membres de famille, des personnes parfois même que nous ne connaissons pas, mais qui sont délaissées, abandonnées par leur famille parce qu'ils souffrent de certaines maladies dites contagieuses. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne ce cœur de compassion dans le nom de Jésus-Christ. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSB. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Alléluia, alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, car la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Seigneur, chaque jour, nous avons des défis. Chaque jour, nous avons des tentations, des épreuves. Mais papa, nous voulons te regarder, Jésus-Christ, toi qui es notre guide, toi qui es notre poteau indicateur, toi qui es notre exemple, toi qui es notre Dieu, toi qui es sur qui nous comptons. Nous voulons te ressembler, nous voulons être comme toi, nous voulons vivre pour toi, nous voulons avoir les regards sur toi. Cher Saint-Esprit, ce matin, aide-nous à voir les vertus qui étaient en Christ, les vertus de la compassion, car Christ avait compassion des uns et des autres. C'est pour cela, rempli de cet amour de compassion, il pouvait guérir facilement, il pouvait libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il pouvait purifier, il pouvait sanctifier tous ceux qui étaient lépreux. C'est pour cela, il pouvait dire un mot et quelqu'un pouvait recevoir la guérison, pourrait être affranchi. Ce matin, cher Saint-Esprit, remplis-nous encore une fois de plus de cette vertu de compassion, de cette vertu d'humilité, pour faire rien que la volonté du Père et retourner toute la gloire à Dieu quand la puissance de Dieu sera manifestée. Merci pour ta grâce dans la vie de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre grand rendez-vous spécial OSP d'Action de Grâce. Ce sera pour le samedi 26 décembre 2015 à Abidjan, à l'église Assemblée de Dieu d'Adjamé. À partir des 9h, préparez-vous, ne manquez pas ce rendez-vous pour venir dire merci à Dieu. T'aime, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Il t'a béni, il t'a protégé. OSB t'a fait du bien. Ce jour-là, c'est le jour où tous nous viendrons lui dire merci. Mais nous rappelons aussi que notre rendez-vous bonheur conjugal continue. Nous poursuivons ce thème en faveur des célibataires. Comment éviter les mauvais départs pour réussir votre mariage? C'est pour le dimanche à 17h au CPE. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.